29 février 2022, nous marcherons sous le soleil. Surveillant le réveil du lézard vert. Le ciel sera bleu, parsemé de quelques nuages. Les parapentistes planeront au-dessus de nous comme de grands oiseaux colorés, inodores, invertébrés. Le vent viendra du sud, portant on ne sait quelle nouvelle. Un nouvel organisme, un nouvel état. La vigne sera taillée. L'électricité autour de nous crépitera. Les ondes invisibles nous envelopperont de leurs particules. Le coq chantera comme au début des temps. Les vagues frémiront sur le lac et sur les océans. Les herbes couchées bientôt se redresseront. Nous ferons pousser les fleurs. Nous ferons gonfler les fruits. Nous préparerons le terrain pour les futurs habitants. Les nouvelles technologies, leurs atouts et leurs couleurs danseront devant nos yeux. Et nous vanterons leurs promesses que nous subirons encore comme au paradis perdu quand le premier technocrate était descendu de l'arbre. Cette fameuse pomme que nous avons tant et tant croqué, que nous avons tant et tant cliqué. Et lorsqu'à la fin des temps, elle nous croquera à son tour, nous nous libérerons de nos vêtements et nous nous coucherons dans l'herbe. Nous fermerons les yeux et derrière nos paupières, la tendre lumière du jour nous caressera la peau. Nous attendrons, main dans la main, qu'elle nous emporte. mon bateau.